fait du mal, c'est pas la peine. Non, y'a pas de dadju ou pas de reine. Oh, regarde cette quiche plein d'OGM. Mais pas la haine. J'ai grave la haine. Ils ont trouvé ma peur dans le Cayenne. Mais comme je suis co-baladé, ils mettent pas de peine. Oh, c'est une artiste, c'est dans la guerre. C'est dans la guerre. Même du pénitencier, j'ai grandi dans le sucre, ça fait longtemps qu'on dit, mais y'en a pas assez. Et pour te rester assis, ça c'est un roule un genre ou bien grand tes oreilles, faut que je te raconte un truc. Je me suis fait près du hall, près des putes, près d'un tube, près des femmes, près des grosses bagarres devant la gare. J'ai fini dans la poche, dans la bière, dans le jaune pour essayer de reprendre. Je viens tomber dans ma lèche, j'suis défaussé. J'ai que de me cacher, y'a les côtés qui font que tourner. Je rêve, de plus en plus je réfléchis. Et des fois je me dis que c'est la vapeur de la drogue qui nous illumine. Je sais qu'elle va pas dire non, je t'emmène pas dîner. Je suis au milieu, bah j'ai mes têtes en Pérignon. Je suis pas trop mignon, mais le bruit d'arrête fait que dans ma tête, j'arrête, il passe au chignon. Je sais que tu l'as vu, le dernier fier, si tu veux, je te loue. J'ai pas changé, je suis resté. Mais sur ma montre j'ai mis de la laitue. J'ai bien grandi, le lox aussi. Non c'est plus la même qu'à l'époque. C'est plus les mêmes phrases dans le bloc. Mais pas la haine. Tu te fais du mal, c'est pas la peine. Non, y'a pas de dadju ou pas de reine. Oh, regarde cette quiche plein d'OGM. Mais pas la haine. J'ai grave la haine. Un autre rappeur qui voyage, train de vie de star, pas de vie moyenne. S'il voyait tout le charbon que ça représente, je pense qu'on nous sucerait même davantage. Très très gourmand sur le carambar. Je décroche pas le tel si c'est pas rentable. Trace de griffure sur les avant-bras. Genre avec Freddy Krueger ou Pocahontas. Non, te fais pas du mal, c'est pas la peine. Tu te perds dans les flots comme Ben Laden. Je suis deux fois meilleur que la veille. Je suis le miel sur mon t-shirt, il y a des abeilles. C'est des VAL. Quand je déprime, je pense à la sassem. Ouais, je pense à la tienne. La vie d'artiste, sinon j'ai la flemme. La vie d'artiste, sinon j'ai la flemme. Adidas collègue en avance. Je suis toujours et jamais en vacances. Le temps fait semblant d'exister. Ta présidentielle provient de Thaïlande. Dis-moi pourquoi t'as la haine au point que tu nous veux du mal, tu vois même pas que t'es qu'un tada tada doigt qu'on efface, vas-y dégage à droite qu'on dépasse. Wesh les gars, c'est comment là, c'est déjà la fin du clip. On nous bute et ça y est, c'est fini. Bah non, là faut que tu trouves le bouton replay, là faut tout recommencer. Fais pas la haine, tu te fais du mal, c'est pas la